La paire. On a tout pour la rentrée là, non chérie? Non, il reste juste la baignoire. Hein? La baignoire, tu sais, pour se prendre un bain quand on rentrera du travail avec la mousse, les bougies, pétales de rose, c'est important. Ouais. Parce que les grands aussi ont le droit d'être bien équipés pour la rentrée, jusqu'au 14 septembre, La Paire vous offre 20% sur le produit de salle de bain de votre choix. La Paire, le savoir bien faire. Cuisine, salle de bain, menuiserie. Conditions sur lapaire.fr. Que se passait-il avant? Non pas avant l'épidémie, ni avant le 21e siècle, mais avant que tout commence. Avant que la Terre n'existe. Comment de rien est sorti quelque chose? Et comment l'être humain parvient-il à composer avec l'incertitude qui entoure ses origines? Une des façons de s'en sortir est d'ouvrir le livre des origines et de lire, page après page, le récit qui est fait du commencement. Et au commencement de cette émission se trouve un étrange mix préparé par notre prophète Nicolas Berger. Écoute ce que disent les saintes écritures. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ah, ils en parlent souvent, il paraît qu'il a existé, Dieu. Au commencement était le Verbe. Il paraît que Dieu trace un mec, toi. Quand il est arrivé sur la terre, il n'y avait rien. Au commencement des temps, il n'y avait rien que le vide. Il y a quelqu'un. Le désordre. Il y a quelqu'un. Les ténèbres. Il y a personne ou quoi? L'Esprit de Dieu se déplaçait au-dessus des eaux. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas un troquet pour une mobilette, rien. C'est vraiment la zone, toi. Or Dieu dit que la lumière soit faite. For signs and for seasons, for days and for years. And God said, bonjour Delphine Horviller. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Merci. Est-ce que vous êtes sensible au lyrisme de Nicolas Berger pour ouvrir cette émission? Ah voilà, j'ai senti tout de suite qu'on entrait dans une ambiance parfaite, effectivement, pour parler d'éternité, que la lumière soit, voilà, la puissance de la parole créatrice dans le texte. Votre générosité vous sauvera. Alors vous êtes rabbin et directrice de la direction de la revue Ténois. Vous avez publié plusieurs ouvrages, Comment les rabbins font les enfants, Sexe, transmission et identité dans le judaïsme, c'était aux éditions Grasset, Anthony d'Ève, féminin, pudeur et judaïsme aussi aux éditions Grasset. Et vous allez faire paraître dans deux semaines, le 16 septembre, Le rabbin et le psychanalyste aux éditions Hermann. Et c'est donc avec vous que nous commençons cette semaine sur l'Ancien Testament. Je dis Ancien Testament, comment vous, Madame la rabbin, vous dites? Alors déjà, ça va être effectivement un long débat, on pourrait commencer par là. Effectivement, les juifs ne parlent pas d'Ancien Testament, parce que parler d'Ancien Testament suggère que y en a un nouveau, et à leurs yeux, effectivement, il n'y a pas de Nouveau Testament. Il y a la Bible, il y a la Bible hébraïque, qui elle-même est composée de différents livres. Oui. Alors, il y a la Torah, c'est-à-dire les cinq livres de Moïse, qu'on appelle le Pentateuque, suivi par les livres des prophètes, qui d'ailleurs, dans la Bible hébraïque et dans la Bible chrétienne, ne sont pas rangés de la même manière. Il n'y a pas la même façon de ranger sa bibliothèque. Bah, les prophètes viennent à la fin pour les chrétiens, puisque ça annonce la venue d'un prophète. Voilà, et puis pour les juifs, il y a aussi dans la Bible les hagiographes, c'est-à-dire tout plein de livres décrits, voilà, le Cantique des Cantiques, plein de livres qui sont pas des livres prophétiques, mais qui sont des livres d'enseignement, de sagesse, et tout ça constitue ce qu'en hébreu on appelle le Tanakh. C'est un mot qui en fait se décompose en trois, la Torah, les Nevim, les prophètes, et les Ketuvim, les écrits. C'est ce que les chrétiens appellent plus ou moins l'Ancien Testament. Donc s'il fallait retenir un mot au lieu de dire Ancien Testament, ce serait lequel? Sans doute la Bible. La Bible. La Bible, voilà, même si effectivement, encore une fois, on ne range pas les livres de la même manière, mais tout ça constitue les Bibles, qui est une collection de livres, en fait. C'est comme une bibliothèque, effectivement. On se promène à l'intérieur d'une bibliothèque, et il y a une sagesse juive ancestrale qui dit que quand on marche dans une bibliothèque, les livres nous appellent. Je ne sais pas si vous avez fait l'essai chez vous le soir, si vous marchez en tout cas la nuit dans une bibliothèque et que vous tendez l'oreille, eh ben, vous entendrez les livres vous parler, et en général, ils vous disent un mot. Ils vous disent « interprète-moi ». Les livres ne vous disent pas « lis-moi ». ils vous disent « interprète-moi », ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Non, c'est quoi la différence ? La différence, c'est que vous lire suggère qu'il y a un message qui a été donné par l'auteur d'un livre, et que vous êtes là pour le découvrir, et le message est déjà fixé. « Interprète-moi », ça suggère que, en fait, vous n'avez jamais fini de lire ce que le livre pourrait vous dire. En fait, le livre, il attend son lecteur pour pouvoir dire ce qu'il n'a pas encore dit. Et donc, il y a chez le lecteur un pouvoir supérieur à celui de l'auteur, parce qu'il est celui qui va pouvoir faire accoucher le livre de sa puissance de dire. Il n'a pas fini de parler. Est-ce que ça marche pour tous les livres ? Ça marche pour, sans doute pour tous les livres. À vrai dire, pour tous les livres, même les livres pas sacrés, bien entendu. C'est-à-dire qu'un lecteur a une puissance particulière, parce qu'en lisant un livre, n'importe quel livre, on peut dire même une bande dessinée dans un contexte nouveau, eh ben, on va y trouver des sens que peut-être l'auteur n'avait pas prévu d'y placer. Mais c'est encore plus vrai quand on parle de livres, on va dire de livres sacrés. Qu'est-ce que c'est qu'un livre sacré ? En fait, c'est un livre, à mon sens, qui n'a pas fini de parler parce qu'on se le transmet comme étant... on va dire enceint, voilà, on va utiliser ce terme, enceint, prégnant d'une puissance de dire. Et les livres sacrés, c'est des livres dont on a déclaré dès le départ, peut-être parce qu'on n'en connaît pas les auteurs nécessairement, oui, qu'ils pourront continuer à dire, et qu'il y a quelque chose en eux qui va se révéler à chaque génération, qui était comment en germe au départ, mais qui va se déployer dans le temps. Et moi, j'en fais l'expérience comme rabbin en permanence. C'est-à-dire que je relis des textes, qu'on va sans doute faire dans un instant, ce que vous allez faire toute la semaine. J'ai l'impression que dans le temps évolue ma lecture. C'est-à-dire que je ne lis pas aujourd'hui un texte que j'ai lu déjà 1000 fois, Adam, Ève, la création du monde. Voilà, n'importe quel texte que je relis dans un contexte nouveau, dans un moment différent de ma vie, me fait apprendre quelque chose sur lui, sur moi, sur le monde. Et c'est ça pour moi qui constitue le sacré de ce texte et qui continue à nous parler. On va commencer avec l'histoire de l'humanité. En fait, on ira demain du côté de la création du monde et de l'homme. Et là, on va commencer avec une figure, Abraham, qui est aussi importante dans les trois monothéismes. En réalité, c'est le propre de cette figure, de ce patriarche. Et tout commence avec un départ. Peut-être commentons cet aspect-là. C'est qu'au début, Dieu dit à Abraham, lui demande de partir. Il doit partir et ensuite, ils vont forger une alliance. Mais d'abord, ce départ, c'est assez étonnant, ce mouvement. Oui, effectivement, Abraham, donc c'est un personnage qui représente le père dans toutes les trois religions monothéistes. On parle du père des trois religions, Abraham. Mais ce qui est extrêmement troublant, c'est que Abraham, qui est le père des religions monothéistes, est un homme qui a quitté la maison de son père. Donc en fait, il y a dès le départ une problématique, une ambiguïté, quelque chose d'assez même subversif. On vous dit, attention, respectez votre père. Mais lui-même n'a pas respecté le sien. Et donc la question est posée, qu'est-ce qui se passe au début de l'histoire d'Abraham ? Abraham, il naît à Ur en Chaldée, un mot qui est très important si vous faites des mots croisés, ça apparaît dans presque toutes les grilles. Il naît donc à Ur en Chaldée, son père s'appelle Terach, un petit détail, j'ouvre une parenthèse, dans presque toutes les Bibles, vous pouvez vérifier en français, Terach, le nom en hébreu du père d'Abraham, est traduit par Taré, ce qui fait d'Abraham un fils de Taré, littéralement, c'est assez drôle, mais c'est comme ça. Donc Terach donne naissance à Abraham et à ses frères, dans un pays qui est reconnu comme un pays idolâtre, Ur en Chaldée, et Abraham entend un jour un appel, va vers toi, va vers le lieu que je t'indiquerai, quitte le lieu de ta naissance, quitte le pays de ton père et mets-toi en route. Et Abraham, à ce moment-là, s'exile et devient ce qu'on appelle en hébreu un hébreu. Un hébreu, c'est quelqu'un qui traverse, quelqu'un qui se met en route, quelqu'un qui passe de l'autre côté de la rivière, de l'autre côté de lui-même. Et donc le personnage d'Abraham qui nous ancre dans une identité a pour identité le fait d'avoir quitté son identité. C'est-à-dire qu'en fait, il est qui il est, parce qu'il n'est plus qui il était. Il est qui il est parce qu'il n'est plus là où il était. Et c'est un élément extrêmement important à méditer, me semble-t-il. C'est-à-dire que l'identité d'Abraham, c'est de s'être mis en route. Et moi, j'y pense souvent en des temps où, et c'est le propre des fondamentalismes religieux, de s'imaginer qu'on vient de quelque part, qu'on doit être fidèle absolument à ses origines, à l'authenticité de sa naissance. C'est assez troublant de rappeler à tous ceux qui tiennent ce discours, et me semble-t-il important de leur rappeler, que le personnage sur lequel on fonde notre histoire, c'est quelqu'un qui a su partir. C'est quelqu'un qui a su remettre en question ses fondements, sa naissance, et comme ça quitter le monde de Terach, le monde de l'idolâtrie, pour tout remettre en question et aller vers une terre où il est pour toujours un exilé. On va le suivre, on va suivre ses pas. Aujourd'hui, on a un parcours qui nous attend, on va voir comment l'accueil, comment lui-même peut devenir une espèce de modèle d'accueil demandé par Dieu et exécuté par Abraham. Comment Abraham va oser, non pas affronter Dieu, mais négocier avec lui frontalement. Et enfin, comment Abraham va accepter de sacrifier son fils à la demande de Dieu. Donc l'accueil, la négociation et le sacrifice, on commence par l'accueil. Yahvé apparut à Abraham aux chênes de Mambré, tandis qu'il était assis à l'entrée de la tente, au plus chaud du jour. Ayant levé les yeux, voilà qu'il vit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Dès qu'il les vit, il courut de l'entrée de la tente à leur rencontre et se prosterna à terre. Il dit, « Monseigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. Qu'on apporte un peu d'eau, vous vous laverez les pieds et vous vous étendrez sous l'arbre. Que j'aille chercher un morceau de pain et vous vous réconforterez le cœur avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passé près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais donc comme tu as dit. » Abraham se hâta vers la tente auprès de Sarah et dit, « Prends vite trois boisseaux de farine, de fleurs de farine, pétris et fais des galettes. » Puis Abraham courut au troupeau et prit un veau tendre et bon. Il le donna au serviteur qui se hâta de le préparer. Il prit du caillé, du lait, le veau qu'il avait apprêté et plaça le tout devant eux. Il se tenait debout près d'eux, sous l'arbre, et ils mangèrent. Ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est dans la tente. » L'hôte dit, « Je reviendrai vers toi l'an prochain. Alors ta femme Sarah aura un fils. » Quel plaisir de vous retrouver ce matin sur les chemins de la philosophie sur France Culture. La saison reprend et on commence avec l'Ancien Testament, la Bible, quatre émissions autour de quatre passages clés de ce texte inépuisable. Évidemment, vous allez entendre beaucoup d'histoires cette semaine, d'histoires riches d'interprétations, et mes invités vont évidemment vous proposer les leurs. Aujourd'hui, Delphine Hervilleur est au micro des chemins de la philosophie. Le texte que je conviens d'entendre, je l'ai présenté comme un modèle de l'accueil. On va essayer d'y entrer par une phrase qui pose problème en réalité. On peut l'entendre de plusieurs façons, puisqu'on voit que Abraham, en levant les yeux, voit trois hommes qui se tiennent debout près de lui. Il les voit, il court de l'entrée de la tente à leur rencontre, et là il dit « Mon Seigneur, je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, veuille ne pas passer près de ton serviteur sans t'arrêter. » Et là, deux interprétations diffèrent. La première, ce serait de dire qu'il s'adresse directement à Dieu, et donc c'est Dieu qui l'accueille en accueillant ses serviteurs. L'autre serait de dire non, au contraire, il interrompt la discussion avec Dieu pour accueillir les serviteurs, ce qui signifierait que l'accueil de l'autre humain serait plus importante que la discussion avec Dieu. C'est deux options théologiques quasiment, Delphine Hervilleur. Oui, il y a une ambiguïté terrible dès le début du texte, en fait, qui est en hébreu, en plus porté par une problématique de singulier et de pluriel. C'est-à-dire qu'effectivement, Dieu s'adresse à Abraham s'adresse à l'Éternel en disant « si j'ai trouvé grâce à tes yeux ». En hébreu, il dit littéralement « ne passe pas devant ton serviteur », qui peut être... Et puis immédiatement après, le verset suivant est tout à coup un pluriel, qu'on aille chercher l'eau, lavez-vous les pieds, c'est reposez-vous. Ça. Et donc, effectivement, pour les commentateurs, là, on essaie de comprendre pourquoi on passe du singulier au pluriel. Il y a plusieurs façons de comprendre les choses. Soit Abraham a effectivement identifié chez ses personnages qu'ils sont une sorte de représentation de l'Éternel qui apparaît face à lui, apparaissent trois hommes, et donc il interprète ça comme une visite de Dieu. Ce qui a un sens très très fort, c'est-à-dire cette idée que finalement la capacité de voir chez l'autre qui surgit dans votre vie, le divin, est une idée clé, une idée qui va être reprise dans l'histoire de la pensée religieuse, dans l'histoire de la philosophie. On peut penser à Lévinas et à bien d'autres, cette idée que à travers le visage de l'autre surgit le divin. Et puis il y a une autre façon, je dirais plus subversive encore, de lire ces versets, qui consiste à dire que Abraham est tranquillement en train de méditer, de prier, il est enfin face à face avec le divin. Et puis tout à coup, toc toc toc, on sonne à la porte, on toque à la porte, et là surgissent des invités. Et en fait, au lieu de dire à ses invités « un instant, je suis en train de prier, je suis en face à face avec Dieu », Abraham semble faire l'inverse et dit à ses invités, et dit à Dieu « il y a du monde à la maison, donc ne t'en va pas, al natavor, ne me quitte pas, attends un instant, tu sais quoi Dieu, reste ici deux secondes, je vais aller m'occuper des gens qui toquent à la porte et on reprendra notre conversation plus tard ». Et là on voit, il y a presque, je le raconte avec une dose d'humour, mais je pense qu'il y a, dans la Bible d'abord il y a beaucoup d'humour, oui. En tout cas il y a beaucoup de choses subversives. Autant d'humour que de violence d'ailleurs. Oui, voilà, on peut le lire dans plein de directions. Mais moi, j'aime cette idée que Abraham est un modèle d'homme qui est capable d'interrompre, peut-être, sa discussion avec le divin pour aller accueillir d'autres hommes qui surgissent dans le monde face à lui. Et donc, je crois que cette ambiguïté, elle évolue. On peut comprendre l'arrivée de ces hommes comme étant le surgissement de Dieu dans le monde, ou au contraire, on peut comprendre l'arrivée de ces hommes comme étant quelque chose qui nécessite d'interrompre une pure spiritualité, oui, une pure religiosité, pour finalement ancrer la relation à l'autre comme étant une forme de religion. Toute la question étant de savoir si ce faisant, c'est la deuxième option, est-ce que cet acte est subversif par rapport à Dieu ? Au contraire, est-ce qu'il est fidèle à ce que lui demande Dieu ? En tout cas, Dieu n'a pas l'air de manifester dans le texte un problème avec l'action d'Abraham. En fait, la discussion s'engage. Il y a toute une ambiguïté aussi dans le texte, savoir qui sont ces hommes. Vous avez parfois, dans certaines Bibles, on traduit le mot par « ange », comme si surgissaient trois présences angéliques, trois envoyés de Dieu. Mais le mot qui est utilisé en hébreu, « anashim », ça suggère que c'est des hommes. C'est-à-dire qu'il y a, ça suggère une présence humaine qui surgit dans son monde. Un homme qui, forcément, parce qu'on est dans le désert, a des besoins particuliers. C'est important de situer la scène. Il fait chaud, on est dans le désert. Donc, ce que surgit dans cette scène d'hospitalité, c'est la question du besoin de l'autre, de sa soif, de sa faim. De quelle manière on est capable, en offrant à boire et à manger à cet invité, à ses invités, de les sauver. En fait, la question du désert pose toujours la question de la survie, et donc la question de la responsabilité de celui qui accueille, et qui, dans le cas d'Abraham, est dans une situation lui-même de précarité. C'est important. C'est-à-dire qu'Abraham ne vit pas dans une maison bien construite avec des murs solides. Il est dans une tente ouverte, c'est-à-dire dans un lieu d'absolue ouverture, fragilité, vulnérabilité. Et pourtant, il se met au service de l'autre. L'acte d'hospitalité doit comporter une part d'imprévisibilité. L'autre arrive. Évidemment, il y a des rites, il y a des conventions, mais le moment d'hospitalité est celui de la surprise, où on ne demande rien, on ouvre la porte. Mais cette hospitalité absolue, s'il y en a, est toujours justement impossible. J'entends par là, non pas nécessairement quelque chose de négatif. C'est ce qu'il faut faire, il faut faire l'impossible. L'accès au visage est d'emblée éthique. C'est lorsque vous voyez un nez, des yeux, un front, un menton, et que vous pouvez les décrire, que vous vous tournez vers autrui comme vers un objet. La meilleure manière de rencontrer autrui, c'est de ne pas même remarquer la couleur de ses yeux. Quand on observe la couleur des yeux, on n'est pas en relation sociale avec autrui. La relation avec le visage peut certes être dominée par la perception, mais ce qui est spécifiquement visage, c'est ce qui ne s'y réduit pas. Il y a d'abord la droiture même du visage, son exposition droite, sans défense. La peau du visage est celle qui reste la plus nue, la plus dénuée. La plus nue, bien que d'une nudité décente. La plus dénuée aussi, il y a dans le visage une pauvreté essentielle. La preuve en est qu'on essaie de masquer cette pauvreté en se donnant des poses, une contenance. Le visage est exposé, menacé, comme nous invitant à un acte de violence. Et en même temps, le visage est ce qui nous interdit de tuer. Il y a dans l'apparition du visage un commandement, comme si un maître me parlait. Pourtant, en même temps, le visage d'autrui est dénué. C'est le pauvre pour lequel je peux tout et à qui je dois tout. Et moi, qui que je sois, mais en tant que première personne, je suis celui qui se trouve des ressources pour répondre à l'appel. On est au cœur d'un problème philosophique passionnant ici, Delphine Horviller, qui est celui de l'hospitalité. Donc, on a d'abord entendu le texte tout à l'heure, hein, l'extrait de la Genèse, chapitre 18, avec l'apparition de Mambré. Abraham accueille ses serviteurs alors que lui-même n'a pas grand-chose, vous le disiez. Une objection assez classique, mais quand même à travers deux voix. D'abord celle de Derrida, vous l'avez entendu, c'était en 1997 sur France Culture. L'hospitalité doit être absolue, mais elle est impossible dans les faits. Et c'est Lévinas qui a renchéri à travers le texte que j'ai lu, lui-même qui disait que l'accès au visage est d'emblée éthique, que le visage, et on peut s'arrêter là-dessus justement, parce que le visage d'autrui est celui qui est absolument nu, absolument vulnérable, et qui en même temps, c'est-à-dire que, donc, que je pourrais tuer très facilement, et qui en même temps m'ordonne de ne pas tuer. Ça veut dire ici que nous sommes au cœur d'un problème qui est, qu'on ne peut pas résoudre. Nous devons accueillir l'autre, mais il nous est impossible de l'accueillir vraiment. Alors que fait-on ? Eh ben, il faut commencer peut-être par entendre ce que dit le visage. J'ai envie de faire un petit détour par l'hébreu, je vais le faire beaucoup sans doute ce matin. Vous savez, la force de l'hébreu, c'est que c'est une langue polysémique, c'est-à-dire qu'en fait, polyphonique aussi, quand on entend un terme en hébreu, il dit une chose, et puis son contraire, et puis autre chose, et donc ça permet tout à coup de décupler les possibilités de dire. Et le mot visage, en hébreu, ça se dit panim, et c'est un mot qui a une particularité grammaticale, ça n'existe qu'au pluriel. Vous ne pouvez pas avoir un visage, c'est impossible en hébreu. Le visage se dit toujours les visages, parce que ça raconte le fait que le propre du visage, c'est qu'il peut changer, se modeler, il raconte toujours les possibilités d'être de l'autre face à vous. Il n'y a rien de pire que de réduire le visage à une seule forme. En fait, s'imaginer que l'autre n'a qu'un seul visage, c'est la définition de l'idolâtrie dans la Bible. En fait, l'idolâtrie, un dieu idolâtre, un dieu qu'on idolâtre, c'est ce qu'on appelle en hébreu un dieu du masque. C'est littéralement comme ça que ça s'appelle. C'est-à-dire que c'est intéressant d'en parler en ce moment, on porte tous des masques. Ça. Le propre d'un masque dans la pensée biblique, dans la pensée hébraïque, c'est que c'est quelque chose de moulé, de figé. Un masque, en principe un masque en fer ou en métal coulé, fait que vous n'aurez plus qu'une seule expression, que vous ne pourrez pas avoir plusieurs visages. Donc, le propre du visage, en principe, et de la relation à l'autre, c'est qu'elle doit garantir une infinie possibilité d'expression. L'autre n'a jamais fini de dire quel autre visage il pourrait avoir. C'est tellement vrai en plus, même intuitivement. On a tellement plusieurs visages en permanence. Absolument, absolument. C'est parti de ces quelques mots qui n'existent qu'au pluriel. En hébreu, il y en a un autre, c'est le mot vie. Aucun d'eux n'a une seule vie. Chaim, c'est toujours un pluriel. Le visage et la vie, ça se conjugue. Sa singularité est de ne pas exister au singulier. Alors que l'idolâtrie, c'est le fait de figer l'autre dans une seule possibilité d'être. Voilà tout ce qu'il a à dire. Et donc, à mon avis, ça rejoint notre problématique de l'accueil et de l'hospitalité. C'est-à-dire l'impossibilité que Derrida décrit de cette hospitalité, c'est qu'en fait, toute hospitalité tend à réduire l'autre à un seul de ses visages, à l'être dépendant qu'il est en cet instant. Et puis, il y a cette impossibilité, effectivement, dans l'hospitalité, de garder ses portes ouvertes, c'est-à-dire de dire à l'autre « ta maison, ma maison est ta maison », tout en sachant que c'est pas définition, une impossibilité, parce que pour que je puisse accueillir l'autre, il faut que j'ai un sol, il faut que j'ai quelques murs, au moins, ou en tout cas quelques frontières, pour pouvoir lui offrir une protection. Donc on se trouve effectivement dans ce dilemme insoluble, comment faire pour que l'autre soit chez vous, chez lui, mais que vous ayez toujours un chez vous. C'est ça. Et la tente d'Abraham, elle vient raconter ça, parce qu'en fait, la tente d'Abraham, on nous dit qu'elle doit être ouverte dans toutes ses directions. Mais elle a quand même des murs. La preuve, on nous dit dans le texte qu'on a lu tout à l'heure que Sarah est à l'intérieur de la tente. C'est bien qu'il y a un intérieur. Il y a un intérieur, il y a un extérieur, il y a une frontière. Mais il faut s'assurer que la tente reste ouverte. Alors comment on crée quand même de la fermeture quand tout est ouvert? Il y a un moment dans la tradition juive où on mime ça, où on raconte ça. Si certains parmi vous ont déjà assisté à un mariage juif, en fait, les mariés, au moment d'un mariage, se trouvent sous un dais nuptial. Et le dais nuptial est censé représenter la tente d'Abraham. Donc au moment où on mime, on symbolise dans une allégorie ou dans une architecture symbolique la maison qui est en train de se construire, on dit à un jeune couple ou un couple qui s'unit, vous vous trouvez dans la maison idéale. Et la maison idéale, elle est placée sous la protection de quelque chose, sous un dais, mais assurez-vous qu'elle restera suffisamment ouverte pour que quelque chose de votre monde soit capable de s'inscrire dans l'hospitalité. C'est assez ironique pour un peuple qui, en tout cas tout au long de la Bible, va passer son temps à essayer de trouver un endroit où habiter, justement. Il doit accueillir avant même d'habiter. Et pour pouvoir habiter, il doit, et c'est toute la Bible, faire l'expérience de l'étrangeté. C'est-à-dire ça. Mais fait, c'est celle qui est première, en fait, avant l'habitation. En fait, l'identité d'Abraham, on le disait tout à l'heure, commence par le fait qu'il quitte la maison. Et toute la première partie de la Bible, ce qu'on appelle la Torah, en hébreu, le Pentateuque, est une histoire d'errance, une histoire de migration qui fonde la légitimité à habiter la terre, en fait. La Torah s'arrête au moment où les Hébreux sont à la porte, aux portes de la terre promise. Ils ne sont pas installés. Et ce qui fonde la légitimité à s'installer, c'est d'avoir connu la non-installation, d'avoir été soi-même un migrant, d'avoir été un étranger, d'avoir conservé conserver ce souvenir, non seulement de l'étrangeté, mais aussi de la non-propriété sur la Terre. Il n'y a pas de propriété sur la Terre. On avance et en fait, on n'est toujours pas chez soi. Et c'est cette conscience qu'on n'est pas chez soi qui donne la possibilité d'accueillir un autre, aussi paradoxal que ça puisse sembler. C'est-à-dire que si on va encore plus loin, nous sommes tous des étrangers. Nous sommes tous étrangers si on est les enfants d'Abraham. En fait, Abraham, il se définit dans le texte comme étant un, l'hébreu dit « ger toshav », c'est-à-dire qu'il est un habitant étranger. Donc, il habite, mais il a toujours une conscience qu'il y a une étrangeté dans sa résidence, qui va être le fondement de son éthique et même de sa légitimité à se trouver là. Le moment où il acquiert une terre, où il devient propriétaire, Abraham, c'est le moment où il achète une tombe pour sa femme. C'est la première fois qu'il acquiert une terre dans la Bible, au moment d'un décès, au moment d'un deuil, d'une mort. Et donc, en fait, la propriété, elle est là pour les morts. Elle n'est pas là pour les vivants. Si on avance un peu dans le texte, toujours chapitre 18, ce qu'on appelle l'intercession d'Abraham. En fait, dans ce texte, Abraham va s'opposer à Dieu, en tout cas négocier avec lui. C'est après l'épisode de Sodome. Est-ce que vous pouvez nous raconter rapidement l'épisode de Sodome, ne serait-ce que pour le plaisir des oreilles, parce que quand même c'est une sacrée histoire. En fait, c'est la suite directe effectivement du texte qu'on vient de lire. Abraham reçoit cette visite et l'Éternel va engager une conversation avec lui. Il est face à la vallée de où il y a plusieurs villes, villes riches d'ailleurs, villes prospères, dont Sodome et Gomorre. Et l'Éternel annonce à Abraham son projet et lui dit voilà, un crime parvient de Sodome et Gomorre. Cette ville est dans un état de déliquescence, ces villes sont dans un état de déliquescence morale et je vais intervenir et je vais détruire ces villes. Et il se confie à Abraham, c'est intéressant d'ailleurs parce qu'il y a un dialogue pratiquement d'ami à ami. C'est comme ça. Alors, que Dieu présente son texte. Ça, on va l'entendre, mais que s'est-il passé à Sodome? Alors, on ne sait pas exactement. Et il y a un cri arrive de Sodome, il y a une problématique éthique à Sodome. Et là, ça donne lieu à bien des commentaires. Vous savez, souvent, on s'imagine qu'il y a une problématique à Sodome de caractère à caractère sexuel ou homosexuel, parce que c'est le sens qu'on a greffé, voilà. Mais en fait, c'est pas du tout ce que dit le texte. D'ailleurs, c'est pas non plus ce que disent les sages dans le judaïsme. L'interprétation qu'en font les sages et les rabbins, c'est que il y a une problématique d'égoïsme dans la ville de Sodome, une incapacité à accueillir l'autre. En fait, Sodome, c'est l'antimodèle de la tente d'Abraham. On considère à Sodome qu'on a des richesses et qu'elles nous appartiennent. Le slogan de Sodome consiste à dire, le motto de Sodome, c'est ce qui est à moi est à moi. Je n'ai pas à partager mes biens. Et donc, à Sodome, on n'accueille pas l'autre, on n'accueille pas l'étranger, on ne prête pas à l'étranger. Et c'est ce que l'immoralité pour les sages de Sodome. Donc, on voit que c'est une problématique plutôt politico économique et morale, et pas du tout sexuelle. Mais voyez, tout ce que je dis maintenant n'est pas écrit dans le texte. Non, mais il y a quand même, le texte dit quelque chose, c'est le chapitre d'après, sur la destruction de Sodome, avec le personnage de Lot, justement, qui est prêt à sacrifier ses filles pour accueillir ces étrangers, dont les habitants de Sodome disent qu'ils ne veulent pas les accueillir et qu'ils voudraient en abuser, c'est le terme qui est employé. Oui, en fait, Lot, il habite dans une maison, vous voyez, on est dans l'antimodèle de la tente d'Abraham. Lot, c'est le neveu d'Abraham qui est parti s'installer là, qui au départ était, on peut dire, un type bien, il s'installe dans cette ville, mais il se retrouve assez rapidement pris en étau par une population qui lui reproche d'accueillir les étrangers. Et donc Lot, il est prêt à tout sacrifier au nom de l'hospitalité. Il va accueillir effectivement des gens dans sa maison, mais pour protéger ses invités, au nom de l'hospitalité, il est prêt à donner ses filles, alors des détails sont donnés, ses filles sont vierges, n'ont pas encore connu d'homme, il est prêt à donner ses filles à la population pour protéger la valeur de l'hospitalité. Et on retombe là sur l'hospitalité impossible dont parlait Derrida tout à l'heure. Est-ce que je dois accueillir l'autre au prix du propre salut des miens? Et clairement, ça pose un problème. À Sodome, il y a une violence terrible, mais qui n'est pas qu'une violence à caractère sexuel, contrairement c'est à ce que les gens... C'est le terme abusé qui est là. Où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit, disent les habitants de Sodome à Lot. Amène-les-nous pour que nous en abusions. Oui, alors en hébreu, c'est pas abuser, c'est connaître, en fait. Amène-nous pour que nous puissions les connaître, avec toute l'ambiguïté du terme. Ouais. Vous savez, on dit dans la Genèse, peut-être vous en parlerez cette semaine dans l'histoire d'Adam et Ève, que Adam connaît sa femme Ève, et on comprend ça, bien sûr, dans un sens biblique, comme une relation à caractère sexuel. Mais c'est pas si clair, il y a une ambiguïté dans l'hébreu. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement, et c'est propre peut-être à la lecture juive des textes, c'est que les rabbins s'intéressent beaucoup, non pas à ce qu'il y a dans le texte, mais à ce qu'il n'y a pas. C'est-à-dire non pas à ce qui est écrit, mais à ce qui est manquant. Mmh. Et toujours, ils se passionnent pour l'ambiguïté, pour la façon dont on pourrait le comprendre autrement, pas comme c'est écrit. Alors, on va écouter le texte de la négociation entre Abraham et Dieu, et vous allez nous dire ensuite ce que vous n'y avez pas entendu. Yahvé dit Le cri contre Sodome et Gomorre est bien grand. Leur péché est bien grave. Je vais descendre pour voir s'ils ont fait tout ce qu'indique le cri qui est monté vers moi. Alors je saurai. » Les hommes partirent de là et allèrent à Sodome. Abraham se tenait encore devant Yahvé. Abraham s'approcha et dit « Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le pécheur ? Peut-être y a-t-il 50 justes qui sont dans son sein ? Loin de toi de faire cette chose-là, de faire mourir le juste avec le pécheur, en sorte que le juste soit traité comme le pécheur. Loin de toi. Est-ce que le juge de toute la terre ne rendra pas justice ?» Yahvé répondit « Si je trouve à Sodome 50 justes dans la ville, je pardonnerai à toute la cité à cause d'eux. » Abraham reprit « Je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, moi qui suis poussière et cendre, mais peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5 ? Feras-tu, pour 5, périr toute la ville ?» Il répondit « Non, si j'y trouve 45 justes. » Abraham reprit encore la parole et dit « Peut-être n'y en aura-t-il que 40 ?» Et il répondit « Je ne le ferai pas à cause de 40. » Abraham dit « Que mon Seigneur ne s'irrite pas et que je puisse parler, peut-être s'en trouvera-t-il 30. » Et il répondit « Je ne le ferai pas si j'en trouve 30. » Il dit « Je suis bien hardi de parler à mon Seigneur, peut-être s'en trouvera-t-il 20. » Et il répondit « Je ne détruirai pas à cause des 20. » Il dit « Que mon Seigneur ne s'irrite pas et je parlerai une dernière fois, peut-être s'en trouvera-t-il 10. » Et il répondit « Je ne détruirai pas à cause des 10. » Yahvé, ayant achevé de parler à Abraham, s'en alla, et Abraham retourna chez lui. Ce qui est fascinant dans ce texte d'Elphine Horviller, c'est que les rapports semblent inversés. En fait, Abraham a l'air plus sage et plus convaincant que Dieu, qu'il y avait. Oui, alors d'abord peut-être un petit mot, vous me disiez tout à l'heure qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on n'entend pas dans l'hébreu. Alors effectivement, le choix que vous avez fait dans la traduction, c'est de traduire ce nom de Dieu par Yahvé. C'est intéressant parce que en fait, les juifs disent qu'ils savent pas comment se prononce ce nom. Ils prononcent pas d'ailleurs. On le prononce pas. En fait, d'ailleurs, en hébreu, ce mot n'est pas un nom. C'est-à-dire que si ça doit être quelque chose grammaticalement, c'est plutôt un verbe, une forme verbale. Peut-être certains nous disent c'est un verbe, le verbe être conjugué au passé, au présent et au futur. Donc le nom de Dieu, c'est « était, est, sera », quelque chose comme ça. Mais c'est intéressant parce que le fait de le nommer déjà, de fixer son nom, de figer son nom, est problématique pour la tradition juive parce que ça veut dire que ça ne peut pas être prononcé autrement, ça ne peut pas dire autre chose. On revient toujours à cette même problématique de comment on fait pour ne pas figer le sens. Là, c'est un problème de traduction. Voilà, c'est une traduction impossible. C'est ce que les Américains appelleraient le « lost in translation ». C'est impossible de traduire. Donc, il y a toujours un choix qu'on fait. Vous dites l'éternel. Oui, on dit là, l'éternel porte cette idée, et encore, c'est un choix très imparfait, mais ça porte cette idée d'un temps infini, était, est, sera. Mais il n'y a pas de... Voilà, on le remplace souvent, parfois dans la tradition juive, on dit le nom. Pour dire qu'il n'a pas de nom. Voilà, on appelle le nom le nom. Mais c'est déjà un problème. Comment est-ce qu'on va définir cette image de Dieu ? Effectivement, vous l'avez dit dans ce passage, et c'est extrêmement touchant, me semble-t-il. On a l'impression qu'il y a une discussion entre Abraham et Dieu et que Abraham agit presque comme la mauvaise conscience du divin. Il y a une phrase qui est pour moi la phrase pivot de ce texte. En hébreu, elle dit « Ashofet kol haaretz lo yaaseh mishpat ». Comment se peut-il que le juge de toute la terre ne soit pas juste ? C'est une question rhétorique qu'adresse Abraham à Dieu, et c'est une question de morale. C'est-à-dire qu'il se pose vraiment comme la mauvaise conscience du divin en disant « c'est pas possible, c'est pas possible que toi, tu ailles détruire ces villes. Ce serait complètement immoral, ce serait pas éthique. » Et alors s'engage une négociation. Alors là, c'est vrai que pendant qu'on écoutait ce texte, on riait même dans le studio, parce qu'il y a quelque chose de... On imagine très bien ça comme une scène comique, une scène de film, une scène de négociation. Allez, on va descendre à 40, allez, 35, non, oui, je te fais un prix à 20, non, allez, on va descendre jusqu'à 10. Et donc, il y a un élément, encore une fois, presque comique ou surprenant dans cet échange. Mais ça en dit long sur le rapport entre l'homme et le divin ou l'éternel, puisque ça veut dire qu'on n'est pas du tout dans un rapport vertical. Le texte, la Bible elle-même, laisse entendre que si c'est Dieu qui crée le monde et c'est Dieu qui crée l'homme, et qui ensuite ordonne à Abraham d'aller chercher un endroit, il y a cette alliance, on n'a pas encore prononcé ce terme, mais bon, quand même, testament, ça veut dire l'alliance, on s'y arrêtera peut-être. Donc on a l'impression que voilà, c'est quand même Dieu qui est premier, et donc Dieu qui décide. Et ce texte qu'on vient d'entendre, et il y en a beaucoup d'autres dans la Bible, au contraire, suggère qu'il y a un rapport horizontal entre l'homme et le divin. D'ailleurs, dans ce texte, il est dit que Abraham se tient debout. Il est debout face aux plaines de Sodome, il est debout dans sa discussion. Et cette verticalité, elle est extrêmement importante parce qu'elle est l'origine, dans le judaïsme, de la prière debout. Vous savez que la posture de prière dans le judaïsme, c'est debout. Dans le christianisme, il arrive que on s'agenouille, dans l'islam, qu'on se prosterne à terre. Mais la prière juive, c'est toujours une prière debout. Ce qu'on appelle la Amida, le fait de se tenir dans la verticalité. Et elle a pour origine cet épisode. En fait, on dit qu'Abraham se tient debout face à Dieu. Et donc, la posture relationnelle entre l'homme et le divin est un face-à-face. En fait, c'est effectivement une forme d'horizontalité. Ça ne veut pas dire d'égalité dans la relation. Mais en tout cas, un face-à-face, on doit toujours se souvenir face à qui on se tient et engager une conversation. Et Abraham n'est pas le seul, il est d'une certaine manière une quintessence dans la Bible de ça, mais il y a d'autres personnages dans la Bible qui vont entrer dans un dialogue presque à l'horizontale avec le divin, face à face. L'autre personnage clé qui vit ça, c'est Moïse, dont vous reparlerez sans doute cette semaine. Moïse, il voit Dieu face à face au mont Sinaï, il a cette révélation, il négocie en bien des occasions pour le salut de son peuple, pour lui-même aussi. Et donc cette capacité de négociation qui n'est pas qui est le contraire, on va dire, d'une soumission à l'Éternel, apparaît à bien des moments du récit. Et c'est comme si Dieu était lui-même intéressé par cette relation, comme si non seulement il n'en était pas choqué, mais il vient finalement exposer son projet à son serviteur Abraham. Voilà ce que j'ai l'intention de faire. Et Abraham le fait changer Dieu d'avis. On pourrait s'imaginer que Dieu, par définition, ne changera pas d'avis. Et c'est pas le cas dans le texte. On peut faire changer Dieu d'avis. Mais d'ailleurs, il y a cette forme, alors je parlais d'alliance, presque de contrat entre Dieu et Abraham, qui implique alors pas forcément une horizontalité, mais bon, déjà pour faire signer un contrat avec quelqu'un, il faut déjà pouvoir discuter avec lui et le voir, j'allais dire, d'homme à homme. C'est-à-dire qu'il y a bien un rapport qu'on imaginerait volontiers absolument vertical qui n'a pas lieu. Quel type d'alliance Dieu et Abraham passent-ils ? En fait, contrairement à un contrat, le terme « alliance » en hébreu, « brit », suggère un caractère intergénérationnel. C'est-à-dire qu'un contrat, c'est un contrat entre deux personnes qui n'engagent que ces deux personnes. La différence avec une alliance, c'est qu'une alliance, elle est contractée à un moment donné, mais on dit qu'elle a une répercussion dans l'histoire et que finalement, à chaque génération, elle sera renouvelée. Donc ce qui se passe entre Abraham et Dieu en cet instant est important pour nous, parce que, selon la tradition, nous sommes engagés, nos ancêtres l'étaient, et nos enfants le seront. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas renégocier les termes, d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas revenir et rejouer cette négociation, mais en tout cas, elle nous a engagés d'une manière particulière. En hébreu, on dit, pour dire sceller une alliance, on dit quelque chose de troublant, on dit rompre une alliance. On dit exactement l'inverse. En fait, une alliance, ça se rompt, exactement comme le pain se rompt pour marquer l'amitié avec quelqu'un. En fait, la possibilité d'une relation avec l'autre, c'est la conscience que l'on fait deux. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans un mode fusionnel, mais on est capable de déchirer, de rompre, de couper quelque chose qui fait que on reconnaît que l'autre est l'autre et je suis moi-même. Et c'est parce que nous sommes séparés que nous sommes capables d'entrer en relation. Mais d'où l'image de la circoncision qu'on trouve dans ce texte, la circoncision du cœur, on trouve dans le Deutéronome, enfin, au chapitre 10, la circoncision du cœur. Oui, en fait, la circoncision se dit effectivement Brit. Et c'est l'idée qu'il faut qu'il y ait une coupure, parfois elle est une coupure dans le corps, dans le cas de la circoncision des petits garçons, une coupure dans le corps, mais elle intervient de bien d'autres manières. C'est l'idée qu'il faut toujours que l'alliance se fasse par une conscience de diffraction, de coupure. Il y a un autre signe d'alliance très célèbre dans la Bible, c'est l'arc-en-ciel, au moment où a eu lieu le naufrage, de le déluge, hein, et que l'humanité est sauvée avec Noé, Dieu s'engage à ne plus jamais projeter sur la terre un tel déluge. Et l'arc-en-ciel, c'est-à-dire la façon dont les couleurs dans le ciel sont diffractées, la lumière est diffractée et comme cassée, devient le symbole de l'alliance. Voilà, une véritable alliance, ça ne se scelle pas, ça se coupe. C'est le mot makloket aussi qu'on retrouve, la coupure, c'est ça, la scission. La scission et qui en fait la possibilité du dialogue. En fait, on peut commencer à interpréter que quand on accepte que il y a dans les mots une imperfection, l'impossibilité qu'il ne n'ait qu'un sens. Vous voyez, on revient finalement, c'est intéressant parce qu'on revient toujours sur cette idée que en fait c'est parce qu'il y a du pluriel dans les visages, dans les sens des mots, dans les capacités de dire, que la relation est possible avec plus grand que soi. Peu importe qu'on appelle ce plus grand Dieu, ou l'étranger, ou l'autre, finalement, on ne peut sortir des quatre murs de son monde et de son esprit et rentrer en contact avec plus grand que soi que si on accepte les frontières, les cassures. Bien. Lire la Bible, c'est déjà commencer à faire de la philosophie, j'ai l'impression, avec l'acceptation de la pluralité du sens. Hein. Il n'y a pas une vérité unique et au contraire, on est sans cesse en train d'essayer de la chercher. Ce qui ne signifie pas qu'on finira par la trouver. Il nous reste une étape, Delphine Orvidar, avant la fin de cette émission. Et quelle étape ? Il s'agit du sacrifice d'Abraham. Sans préambule, voici le texte lu comme les autres textes aujourd'hui et cette semaine par le comédien Éric Herson-Macarel. Dieu éprouva Abraham et lui dit « Abraham, prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria. Et là, tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva tôt, sella son âne et prit avec lui deux de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l'Holocauste et se mit en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Demeurez ici, avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas. Nous adorerons et nous reviendrons vers vous. » Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange de Yahvé l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici ». L'ange dit, « N'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris par les cornes dans un buisson. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Le rite du bouc émissaire juif doit être un rite extrêmement ancien. Une des choses extraordinaires de la Bible, c'est qu'elle nous permet de retrouver des stades religieux, n'est-ce pas, qui ont été préservés, n'est-ce pas, et qui sont tellement archaïques que nous avons beaucoup de peine à les comprendre. Si vous regardez les deux premiers livres de la Bible, n'est-ce pas, vous voyez que le sacrifice humain est partout. Absolument. Et en particulier le sacrifice des enfants, oui. Le sacrifice du premier-né. Et à mon avis, le sens fondamental qui est quel est le Dieu qui demande à Abraham de sacrifier son fils, c'est le Dieu archaïque qui est partisan des sacrifices humains, n'est-ce pas? Et donc, le sacrifice d'Isaac est une scène gigantesque, si vous voulez, qui est le passage du sacrifice humain au sacrifice animal, quelque chose de tout à fait. Oui. Donc, c'est le moment historique le plus essentiel dans l'évolution du sacrifice. René Girard et Delphine Orvidar sur les chemins de la philosophie sur France Culture en ce lundi matin, jour de rentrée. On commence en lisant la Bible, ce sera jusqu'à jeudi. Aujourd'hui, on parle d'Abraham et des différentes interprétations de ce personnage à travers les gestes qu'il exécute ou que Dieu lui demande de faire. Avant de commenter René Girard, d'abord, ce que dit René Girard, qui est en lien direct avec le texte qu'on a entendu d'Elphine Horviller, ce texte donc dans lequel Abraham s'apprête à sacrifier son propre fils à la demande de Dieu, a quelque chose de sidérant et d'insupportable. J'ai beau connaître ce texte, à chaque fois que je le relis, que je l'entends, il y a quelque chose que je trouve absolument insupportable. C'est l'effet escompté, non ? Absolument. On ne peut pas avoir un père qui dit « oui, je vais tuer mon fils ». Absolument, c'est un texte totalement terrifiant, et quand il est lu sans être interprété, justement, quand il est lu dans sa pleine littéralité, en fait, il est un espèce de blanc-seing, un chèque en blanc à toutes les folies religieuses, à tous les fanatismes. Si Dieu est celui qui, tout à coup, que vous entendez, et que peut-être vous êtes le seul à entendre, et qui vous dit d'aller tuer un tel ou un tel, alors à ce moment-là, tout est possible. Voilà. Et c'est éventuellement de cette lecture littérale-là que se revendiquent, toutes les violences religieuses. D'où la nécessité de lire et de relire et d'interpréter ce texte qui, en fait, non seulement nous invite, mais je crois nous supplie de le réinterpréter à chaque génération, d'essayer d'y entendre tout ce qu'il peut encore nous dire, de tout ce dont il est chargé. Et je vous remercie de nous le faire écouter maintenant, parce qu'il se trouve que dans le calendrier juif, bientôt, c'est Rosh Hashanah, c'est le nouvel an. On approche des fêtes juives, Rosh Hashanah, qui pour ce grand rendez-vous de l'année rituel. Ce texte, on va le lire et le commenter au jour de Rosh Hashanah. C'est le texte du début de l'année juive. En fait, on commence l'année en le lisant. Et on le lit, et on le commente, et on le relit, et on lit tout plein de poèmes qui y font référence à cette problématique. Et on peut l'interpréter de plein de manières, mais notamment lorsque les Juifs demandent à être pardonnés, lorsqu'ils commencent l'année, en fait, il les interpelle Dieu en disant « Regarde ce qui s'est passé à ce moment-là. Regarde ce que tu as exigé d'Abraham. Regarde comment ça aurait pu se terminer. Et donne-nous d'une certaine manière le crédit de ce que notre ancêtre a été prêt à faire. » Voilà. En fait, on entre dans une relation presque comme la discussion dont on a rendu compte il y a un instant à Sodome entre Abraham et Dieu. En fait, on convoque ce récit pour essayer de penser tout ce dont il est chargé avec toute sa problématique. Alors d'abord, les Juifs n'appellent pas ça le sacrifice d'Isaac, mais la ligature d'Isaac. En fait, ce qui est en jeu dans ce récit, c'est la façon dont un père et son fils sont dans toute une partie du récit comme accrochés l'un à l'autre. Ils sont comme liés l'un à l'autre, et on entend bien dans ce qui a été lu il y a un instant, Abraham et Isaac se comportent comme si Isaac était un tout petit enfant qui demande le chemin à son père. Où va-t-on? Que va-t-il se passer? Il est comme impuissant dans une partie du récit. Et en fait, à la fin de l'histoire, Abraham et Isaac sont comme déliés. En fait, il y a quelque chose qui tout à coup devient possible pour le fils, qui n'est plus collé à son père, mais qui, en redescendant de la montagne, va devenir à son tour un patriarche. Donc il y a un enjeu dans ce récit de décrochage avec ses origines, de décrochage avec son père, et de décrochage avec le monde dont on vient. D'ailleurs, c'est pas un hasard. Quel est l'animal qui est sacrifié à la fin de ce récit? C'est pas un agneau, c'est pas un enfant animal, c'est un bélier. Donc c'est une figure paternelle, c'est un animal père. Ce dont il est question, si on reprend un langage psychanalytique dans ce récit, à mon sens, c'est de la mort du père. En fait, Abraham est en train de sacrifier quelque chose d'une image paternelle, et ça nous amène au commentaire qu'en fait Girard, c'est-à-dire l'idée que on est dans la Bible, on vient d'un monde, très clairement, où les pères tuent les fils, où les parents sacrifient les enfants. Et ce moment du récit biblique constitue une rupture définitive avec ce monde-là, avec ce monde primitif, avec ce monde des origines. Et pourquoi rupture ? Parce que finalement, il s'apprête à le faire. Il s'apprête à le faire, mais il ne le fait pas. Et tout l'enjeu du récit, c'est que ça aurait pu se passer, mais ça ne va pas se passer. Mais il ne le fait pas parce que Dieu lui demande de ne pas le faire. Dieu lui demande de pas le faire, mais en tout cas, il aurait pu l'entendre autrement. La façon dont les interprètes lisent le texte, il fallait le moment de bascule pour les commentateurs, c'est deux mots. C'est le fait que l'ange de l'Éternel s'adresse à Abraham et lui dit « Abraham, Abraham ». Et là, vous l'entendez, il y a un problème. Pourquoi l'ange bégaye-t-il ? Pourquoi l'ange répète ? Est-ce que Abraham, qui a certes un certain âge dans cet épisode de la Bible, est peut-être un peu sourd d'oreille, peut-être il n'a pas entendu le premier appel ? Non, ça ne colle pas. Les commentateurs vont être obsédés par cette problématique de la répétition du nom d'Abraham et vont en conclure que Abraham nous dit que dans un premier temps est appelé l'Abraham qui était, le monde dont il vient, c'est-à-dire l'Abraham de sa naissance, et dans Abraham, un second temps, oui, voilà, dans un second temps, est appelé l'Abraham tel qu'il est devenu. C'est-à-dire que le fait que le nom d'Abraham soit répété deux fois suggère qu'en cet instant, quelque chose a changé dans le récit. Abraham a rompu avec, vraiment, avec le monde d'où il vient, un monde où les pères tuent leurs fils pour pouvoir s'engager vers un autre temps du récit, un moment où ce sera plus possible. Donc en fait, ce que nous raconte cette histoire, c'est la possibilité d'un changement. La possibilité d'un changement, ça implique de relire son histoire, de relire ses textes, pour y entendre autre chose, être capable de se couper. Mais contrairement à l'épisode de la négociation où Abraham semblait prendre le dessus sur la discussion avec le divin et justement arriver à imposer sa propre loi, ici, c'est quand même l'ange de Yahvé, c'est ce que dit le texte que j'ai sous les yeux, qui lui-même va demander, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, à Abraham de ne pas le faire. Donc c'est comme si ce changement-là ne venait pas d'Abraham lui-même, mais d'un commandement, ce qui est très différent quand même. C'est totalement différent, et d'ailleurs ce qui est troublant, c'est que Abraham est l'homme qui jusqu'à maintenant avait été capable de tenir tête à Dieu quand il s'agissait de sauver les autres, de sauver des gens qui n'étaient pas son premier cercle, les habitants de Sodome et Gomorre, qu'il ne connaissait pas. Et là, tout à coup, quand ça le concerne lui directement, cet enfant pour lequel qu'il a tant attendu, parce qu'il faut bien se souvenir qu'Abraham a été stérile pendant, avec sa femme Sarah, pendant une très longue partie de sa vie, et tout à coup arrive cet enfant miraculeux, Isaac. Et en fait, c'est lui qu'on lui demande de sacrifier. Donc il est mis face à l'horreur absolue, dans l'incapacité de négocier. Et la façon dont bien des commentateurs vont se sortir, alors certains diront que c'est une forme de galipette pour se sortir de cette situation impossible, c'est de dire qu'Abraham a tout simplement mal compris ce qui lui était demandé. Quand en français on traduit cette phrase « offre ton fils en sacrifice, fais-le monter sur cette montagne et offre-le en sacrifice », l'hébreu est plus subtil que ça, parce qu'il y a une ambiguïté sur ce que Dieu demande vraiment à Abraham à cet instant du récit. On lui dit littéralement à Léo Léola, ce qui veut dire en hébreu, fais-le monter là-haut. Voilà. Mais le problème de ce mot monter, c'est qu'il peut signifier, dans un certain contexte, sacrifice. Mmh. Et donc, il y a une ambiguïté. Est-ce que Dieu demande à Abraham de faire monter son fils sur la montagne? Est-ce qu'il lui demande de le sacrifier? Ce qui est clair, c'est qu'Abraham entend sacrifice. Mais pourquoi entend-il que Dieu lui demande de sacrifier son fils? Et c'est là où les commentateurs nous disent « il l'entend parce que celui qui entend cela est l'Abraham des origines, est l'Abraham qui a connu ce monde enfant. Il est ramené à quelque chose de son histoire première, primitive, dont il va devoir se détacher. Et ce test, cette épreuve qui est donnée à Abraham, finalement, si l'on en croit l'idée même du texte, c'est-à-dire que cette histoire, elle est là pour nous, elle est là pour chaque génération. Elle nous invite nous-mêmes à percevoir quels sont tous les malentendus de notre histoire. Mais ça demande un travail d'exégèse faramineux, ça demande une multiplicité d'interprétations permanentes. Comment est-ce qu'on établit une hiérarchie entre les interprétations? Quelle interprétation est jugée comme étant légitime? Et surtout, comment dire, ça voudrait dire que ce texte-là n'apparaît que ce qu'il est, que dès lors qu'il est ressaisi par une médiation intellectuelle. Donc c'est quoi? C'est les dangers de la lecture littérale? En fait, on dirait au fanatisme immédiatement et au fait qu'à l'appel au meurtre de son fils. Je vais même aller plus loin, c'est le refus absolu de la littéralité. En fait, vous savez, le propre de la lecture juive des textes, c'est qu'elle considère que la lecture littérale n'a aucune importance. Ouais. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que vous allez pouvoir en dire en vous abritant à l'ombre de ce que des générations de commentateurs qui vous ont précédé ont dit. Quand j'étais à l'école rabbinique, vraiment la semaine de mon entrée à l'école rabbinique au séminaire, notre professeur de Bible nous a dit quelque chose qui nous a traumatisés, nous futurs rabbins que nous étions, jeunes étudiants. Il est entré un jour dans ce cours de Bible en nous disant « Vous savez, les Juifs n'ont jamais pris la Bible très au sérieux ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il m'a fallu des années pour le comprendre. C'est que, en fait, la lecture juive des textes n'est pas une lecture qui se soucie tant de ce que la Bible dit, autant que ce que des générations de commentateurs lui ont fait dire. Comment est-ce qu'on s'inscrit dans le prolongement d'interprétations passées? C'est ça qui crée la sacralité de cet exercice. Mais ça veut dire qu'il faut se méfier de la lecture que l'on fait seul? Ça veut dire qu'il faut lire à plusieurs? Ça veut dire que ça veut dire qu'il faut toujours lire à plusieurs et surtout lire en se percevant comme étant membre d'une chaîne ininterrompue d'interprétation. D'autres ont fait dire cela au texte, vous récupérez leur lecture pour la transmettre comme à un maillon à la génération suivante qui en fera quelque chose. Mais ce qui est clair, c'est que oui, je pense qu'il faut se méfier des lectures littérales, parce que en fait, elles peuvent faire dire au texte tout et n'importe quoi. Et je pense que vous allez en faire une démonstration parfaite cette semaine, de voir à quel point on peut trouver dans le texte un dieu vengeur, comme on peut trouver un dieu de l'empathie bienveillante, on peut trouver un dieu qui vous dit « méfie-toi de l'étranger », comme on peut trouver un dieu qui vous dit « accueille-le ». Et en fait, c'est la force de ce récit. En fait, en le lisant et le commentant, on raconte beaucoup plus de choses sur soi, sur son histoire, sur sa naissance et sur son époque que sur le texte lui-même. C'est aussi ce que chante Big Youth. Some folks are born like them, want to live in evil. So big up all nice and decent people. Man like Moses and Aaron. Lord, run come looking at me Bible boy. Come make me teach you the scripture boy. Run come looking at me Bible boy. And your life will spill. Me say if you run come looking at the Bible boy. Come make me teach you the scripture boy. Run come looking at the scripture man. And your life. Life will spill. One go read from Psalms to Proverbs. Yes, to Revelation. Teach the nation. And I walk on the streets. Walking on the dance with me Bible on me on. Teach the nation. And we don't want the youth. We don't want the youth. Come down a gunman. Down a gunman. We go walk on the street. Walk on the street. In the rap-a-pam-pam. Rap-a-pam-pam. God mercy. Run come looking at me Bible boy. If I'm a teacher the scripture boy. Merci beaucoup Delphine Arvillard d'être venue ce matin nous éclairer sur cette figure d'Abraham et nous donner envie de lire et d'interpréter ce texte. Ça tombe bien, c'est ce qu'on fera jusqu'à jeudi. Que dire? Alors oui, je le disais en début d'émission, vous vous faites paraître le 16 septembre prochain aux éditions Hermann, Le Rabbin et le psychanalyste. Et d'ailleurs, en vous entendant, on voit l'importance que vous accordez aux mots et aux sonorités et au sens dégagés par ces mots. Et puis il y a toute une liste d'ouvrages qu'on mettra en ligne sur le site des chemins de la philosophie. Je note notamment Anthony Dev, Féminin, pudeur et judaïsme aux éditions Grasset. Merci à vous. Merci. Et à ma gauche se trouve Géraldine Vosna-Savoie. Bonjour Géraldine. Bonjour, ravie de vous retrouver Adèle. Mais pareil, alors les auditeurs les plus précis et les plus anciens auront remarqué qu'il est beaucoup trop tard pour vous donner la parole. Et pour cause, la chronique que vous animez depuis plusieurs années n'a plus sa place dans cette émission. On vous retrouve désormais le matin. Exactement, alors elle n'a plus sa place ici à 10h53, mais en fait elle a lieu 2 heures plus tôt, je me lève un tout petit peu plus tôt. Elle a lieu à 8h50 dans la matinale, elle s'appelle plus le journal de la philo, elle s'appelle le carnet de philo. Mais je vais faire en fait ce que j'ai commencé à faire ici, donc je posais des questions à partir d'événements politiques, artistiques, à partir des épidémies qui nous tombent dessus, à partir de situations anodines aussi, voilà. Voilà, je continue à me demander, est-ce que vivre ensemble est-il invivable? Est-ce qu'on peut vivre heureux et vivre masqué? Enfin, je pose des questions comme ça un peu en l'air. Ou alors, une question qui me tient toujours à cœur, faut-il finir les livres qu'on a commencés? Voilà, ce sera tous les matins à 10h, à 8h. Voilà, j'ai du mal à me... Fais attention au réveil demain matin. Voilà, à 8h50, donc dans la matinale de Guillaume Herner, entre la transition d'Hervé Gardette et À quoi pensez-vous d'Arnaud Laporte. Mais je précise que vous continuez à travailler pour l'émission des Chemins de la philosophie. Vous nous êtes si précieuse et on vous aurait pas laissé partir comme ça. En tout cas, bravo et bon vent donc dans la matinale. Vous allez nous manquer ici. Vous aussi, vous avez beaucoup manqué, mais je suis contente de rester dans les chemins en tant que productrice déléguée, comme on dit ici. Et le temps de vous trouver un successeur, c'est pas facile. Vous avez mis la barre très haut. Eh bien, on continuera l'émission jusqu'à l'heure du générique de fin. Un grand merci à la formidable équipe des Chemins de la philosophie qui s'est légèrement renouvelée pendant l'été. Toujours Manon Delasselle, Clara De Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Avril Poignant-Legoff qui nous a rejoint, Anaïs Isbert, vous la connaissez bien, Nicolas Berger, vous ne connaissez que lui, à la réalisation. À la prise de son aujourd'hui, c'était Anthony Thomasson, à la lecture des textes, Éric Herson-Macarel. On se retrouve demain pour la suite de notre série qui propose 4 lectures de la Bible. Demain, nous serons en compagnie de Catherine Chalier. Donc, on remontera à l'origine des origines, à la création du monde. Adam et Ève, on en parlera beaucoup. Adam et Ève ne font-ils qu'un? Ne sont-ils qu'une seule et même personne, qu'un seul et même sexe?